Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi les sauveurs. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Toujours, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh que ce chant retentisse en ton lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en ton lieu. Nous volons en retour, bon sauveur. N'aimez pas déçu pour d'autres choses. Forme ton amour. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en ton lieu. Le monde entend. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en ton lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en ton lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en ton lieu. Tu es bien-aimé et Père adorable. Zambé Mulingami, Tata Yakukumbamela. Nous tenons devant ton trône. Nous nous sentons bien reconnaissants. Car chaque fois que nous approchons de toi, nous avons l'assurance que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Dieu plein d'amour, de bonté, Dieu riche en miséricorde, Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, Dieu qui nous fait parfait, qui a lancer un programme. Le plan du salut. Infaillible. Subsistant. Consistant. Sans pareil. Maintenant, Père, nous venons en vertu de son nom répondre à ton appel. Car il est écrit et c'est vrai. Ce que toi, Dieu, tu as connu d'avance, tu les as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils, afin que Jésus-Christ, son Fils, soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Ce que tu as prédestiné, tu les as aussi appelés. Et ce que tu as appelé, tu les as justifiés. Et ce que tu as justifié, tu les as glorifiés. Cette parole est d'actualité. Et mon cœur se régale dans ta vérité. Dans cette vérité divine, nous sanctifions. Nous lave et nous sauve. Que nous change chaque jour. Pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Notre divin modèle. Les vagues du péché. Les vagues de la mort. Les vagues de tentations, les vagues de doutes et d'incrédulité, ne cessent de souffler. À longueur de journée, à longueur de semaine, d'année en année, mais ta miséricorde est plus en avant. Ton secours Israël, car tu as basé ton église sur la révélation. Et tu vas dire à travers Pierre que sur ce roc je bâtirai l'église et les portes de ce jour de mort, les portes vaudront. Nous avons l'assurance que ta protection est la meilleure. Et ta victoire arrachée à Golgotha est devenue celle de tous les rachetés. Tous ceux qui croient en ton nom, tous ceux qui espèrent en ton nom, veulent voir ta gloire chaque jour. Visite-les ce soir. Console-les ce soir. Parle-leur ce soir. Secours chacun ce soir. Et fortifie notre foi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te prions et te glorifions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Par la grâce qui nous a faite ce soir. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 24. Actes chapitre 24. Nous prenons le verset premier. Anas. Cinq jours après, arriva les souverains sacrificateurs, Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde et qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ses réquisitoires, soutenant que les choses étaient ainsi. Merci, madame Koromitan. Anania, ngangomonene, akiti na kayi salia, naba mususu na mikolo naba mboka, na moto moko, kombo na ye telu tulu, ye moto na maloba kitoko. Bango wana, babimisili kambo na Paulo liboso na mokolo na mokili. babiangi Paulo mpe telutulu abandi kufunda ye ete Feliki mutu na lokumu mingi tozali kosepela na kimya mingi pona yo misala malamu penza mpe mizali kosala makati na libota oyo po na maile na yo koyambaka o nyoso na eboto penza na epai na epai kasi na lingi kosimbisa yo tango molaite bongo na bondeli yo ete na boboto na yo oyo kabiso na mwa makambo mike po ete tozwi mobali oyo na yauli oyo akotombokisaka bato kati na bayuda nyonso ba oyo bavandi na mokili nyonso ye moto na liboso na lingomba na bana na selete ameki mpe kobebisaka tempelo nde tokangi ye pe tozalaki na mposa na kosambisa ye na mibeko na biso nde losi ya mokolo na basoda ayei kolongolaka ye na maboko na biso na makasi pe apesi monoko na bafundi na ye koya awa na yo yo moko okokoka kotuna ye na ntina na makambo oyo nyonso mpona koyeba makambo mazali biso kofunda ye bayuda mpe bandimaki mpe balobi ete makambo yango mazali bobele bongo juge chapitre 13 verset 5 basambisi mokapo ya zomi na misato molongo ya mitano car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin. Mon poète est là. Au Kozoazem, il peut au Kobotama na Mobali. Le Tebu et Kokota na Motona été. Poète, moi na oe, à Kozala Monasali, et pas il en zambé, le moi na Kobotama. Yempe, à Kobanda Kobix, et Salele, na Loboko, na Bafalicitaï. Jacques, chapitre 1er. Yakobo mukapo ya yambo. Nous lisons le verset 18. Kotanga mulongo ya zomi na mambe. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Na mokano na yemoko aboti biso na liloba na solo ete biso tozala lokola mboma na liboso na biloko bizalisaki ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun bienvenue à la table du Seigneur et les délices de la maison de Dieu. Que la joie du Seigneur envahisse nos cœurs. Que la crainte de Dieu s'empare de chacun de nous. Et que son amour divin nous serve de guide et de force. Chacun pour sa part. Nous allons na Owana. Voyage. Na mobembo yo. O ye moko salinde mokambi. Nzambe apambola bino. Na lobia te nzambe apambola bino. Teboye malamu na kuzalana na ye. Cette invitation de la Sainte. Na banja te moko na moko asili kozua e bianga meli oyo uta na muli musantu. Invitation de la part. Pour venir dans la maison de Dieu et que son arrivée ici n'est pas un concours de circonstances ni un fait du hasard, mais c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu, avant que le monde ne soit fait, savait que tu serais vivant aujourd'hui. Et qu'au courant de ta vie, au jour d'aujourd'hui, tu auras à cœur de répondre à son appel. Et tu brûleras envie de te rassembler au sein. Aux réunions de l'église avec les rachetés, les autres croyants qui ont la foi de la même valeur que la vôtre. Que qui soutiennent le même combat que vous. Oyo bazali kati na etumba moko moko pela moko na yo. Qui portent à cœur les mêmes espérances que vous. Bazali na bidikia moko moko lokola yo. Qui croient dans les mêmes promesses divines que vous. Bazali kondima kati na bilaka ya nzambe yango moko lokola yo. Ils connaissent la toute puissance de Dieu comme vous. Bayebi nguya nyonso na nzambe ya makasi yango lokola yo. Et le Seigneur a dit, il est doux et agréable, il est agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Paul a si la colombette et allé na bopolo père que ce pela mingi et te bandeko bazala elango. Dans le psaume 133 ils allé né na banza mukamata le Saint-Esprit dit cette vérité originale. Mon sang tout a fait colomba pensant sur le profond et éternel la mozinda pe côté kana bobelo na se connaissait pas. Oh qu'il est doux. Oh tala oh ils allé na bopolo il est agréable ils allé à ce pela mingi pour des frères pour la bandeko de demeurer ensemble. Côté bazala né et sika moko. Car c'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe jusqu'au port des vêtements d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend jusqu'à la montagne de Sion. Car c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour toujours. Notre rassemblement ce soir s'appuie notamment sur cette promesse-là qui dégage une douceur et qui est agréable à Dieu pour nous d'être rassemblés comme ça. Dieu aime nous voir comme ça. Quand tu prends conscience de ça, alors tu te dis, je m'attends à de grandes choses. Non seulement que Dieu a voulu me voir ici, et ma vie ce soir répondant à la vocation céleste, le programme de son évangile, mais encore Dieu veut nous voir comme ça rassemblés. Savez-vous ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 20? Car là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu de eux. C'est un principe. Dieu n'a pas dit je serai ou que je viendrai. C'est un principe. Parce qu'une promesse, tu vas te mettre à attendre avec espérance, oui, Dieu va réaliser la promesse. Tu témoignes avec joie. Oui, je sais que Dieu va le faire. Je crois fermement. Et par moment, tu te dis, je n'ai encore rien vu. Mais je sais qu'il le fera. J'ai bonne foi. J'ai bonne espérance. Et toutes les raisons de la Bible. Dieu est fidèle. C'est ce que le Seigneur a dit. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Ce que ce serait un futur. Non. Mais ce n'est pas un futur. C'est un principe. Quelque chose d'acquis. Et là, possible qu'on joue à moi. Là où deux ou trois sont au présent, assemblés à mon nom, je suis au présent. Pendant le temps où ils sont assemblés, au moment où ils sont assemblés là, je suis au milieu d'eux. En principe, une vérité qui ne peut tomber à terre, qui ne peut faillir. Laisse que notre foi s'accroche à son principe pour comprendre de un que notre réunion est une réunion de douceur. De deux, notre réunion est agréable à Dieu. Et de trois, il est présent au milieu de nous. Je n'ai pas dit que Dieu a dit qu'il fera. Le psaume 133 que j'ai cité, il ne dit pas que Dieu fera ou que Dieu viendra. Oui, c'est pour eux qu'il fasse. Ou que si vous croyez, il agira comme ça. Non, il est doux. Voici où qu'il est tout. Et c'est même agréable. Pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'amour. La rosée qui se dégage lorsque le soleil ne s'est pas encore levé. Voyez la fraîcheur de l'horizon matin. Le soleil va briller et fera sécher toute humidité, amènera la chaleur, les gens vont transpirer sans nuit. Pour ne pas sentir la chaleur des dures épreuves. Nous atténuer la chaleur de dire ce preuve. Le rapprochement des frères nous aide à relativiser certaines choses. Les mêmes souffrances, les mêmes épreuves, La petite rosée qui atteste que le climat est frais. Quand il sort, tout est rassurant. Les chiens féroces et les chacals dorment encore. Il n'y a rien qui peut te nuire là. La présence du roi est dans les camps. Le paix du roi est à notre faveur. Et le cri du roi est un cri de victoire. Et comme il est écrit dans son palais, tous ces cris. Dans le palais de l'Éternel, tous ces cris, gloire. Et dans les temples des justes, lève le cri de triomphe. Le même Dieu infaillible, omniprésent, la promesse qui ne te délaissera point. Même si tu en aurais l'impression, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Les impressions. Amen. Et je rends témoignage en public que Dieu écoute tes prières. Si tu as des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit, passe au canal maintenant. Et tourne-toi du menteur Satan, qui est le metteur en scène, le stratège menteur. Il sait comment te fasciner, te décourager et te relâcher. Mais Dieu sait aussi comment t'équiper, te soutenir, te délivrer, te guérir, te pardonner. Et Dieu sait te supporter. Même là où tu deviendrais fatigant son égard, il se souvient qu'il ne mettra pas dehors celui qui viendra à lui. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà promis. Alors, le rassemblement des frères, passez des bons moments ensemble. Se propage jusqu'à la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est le lieu de la demeure du Seigneur. Là où était construite la maison de Dieu, le temple de Dieu, le lieu que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom. Ça commence ici comme ça. Vous acceptez cette fraîcheur, cette douceur là, vous dites, je viens trouver consolation. Je viens pour que Dieu mon Père me parle. Je viens communier avec lui. Je ne viens pas pour être vu, pour remarquer par un humain. Je viens pour le traiter avec mon Créateur. Il est mon unique sauveur. Il est mon sponsor. Il est le rocher de ma foi. Il est mon Dieu, mon roi. Il est mon salut éternel. Il est mon appui chaque jour. Il est mon secours qui ne jamais. Tout ce qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe. Amen. Et le rémunérateur de ce qu'il a. Alors ce rassemblement, c'est comme la rosée de l'hermon. Il se propage. Mais si tu essayes de la suivre, ça t'amènera jusqu'au baptême du Seigneur. Ça t'amènera en Christ. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Amen. Là où Dieu a décidé de faire résider son nom. La montagne de Sion. Il deviendra membre de la fille de Sion. Et Frère Branham a parlé de cette fille de Sion. Dans les sermons, on la future demeure de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Salomon, il a écrit au sujet de la fille de Sion. Et beaucoup de gens ont pensé que c'était un chant qu'il chantait. Mais ce n'était pas un chant. Il parlait de l'épouse de Christ. La fille de Sion. Vous voyez? Il a en son sein cette épouse de Christ. Il est composé d'hommes et de femmes. Mais de nouveau. Mais de nouveau. Béni soit le Seigneur. Et pas de la. Faisons un parallèle. Pour méditer ce soir-ci. Samson est le type de l'église de Christ. Faisons un parallèle. Et que notre méditation soit celle-là. Samson est le type de l'église de Christ. Samson. Dont on a parlé ces jours-ci. Oh, et dont on va parler encore ce soir. Samson. était le type de l'église de Christ. Et nous voulons que cette église se réfère à la marche de Samson. Prenne les précautions pour ne pas commettre les erreurs et les fautes de Samson. Mais qu'elle soit le corrigé. Et ça a été Samson d'autrefois. Mais côté manifestation de puissance surnaturelle, que l'église en jouisse coup sur coup intégralement. Samson était un type de l'église de Christ, de Jésus Christ. Je vais lire un peu quelque chose ici. Frère Branham. Aimez-vous frère Branham? Alléluia. Amen. Frère Branham. Branham. Dans les sermons, une église séduite par le monde. Prêché le 28 juin 1959. Et paragraphe 7. Il dit ceci. Samson se présente de façon bien remarquable. L'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. Lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église. Car l'église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Quand cette église était à ses débuts, et elle mettait en pratique tous ses commandements, et Dieu était avec l'église. Pouvez-vous confirmer ces déclarations mot à mot? Est-ce que frère Branham ment ou il dit vrai? Est-ce un discours politique ou l'évangile? L'observation est fondée. Elle est totalement vraie. Au sujet de l'église des débuts. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque l'église était à ses débuts, pouvait utiliser l'église. Et regardez aujourd'hui, si Dieu utilise vraiment l'église, c'est plutôt l'église qui peut profiter des choses de Dieu. Il est des fois là dans des calculs capitalistes et d'intérêts égoïstes. Les membres d'église, au lieu de se donner à Dieu, pouvaient être utilisés par lui. Ils viennent plutôt devant Dieu pour tirer des profits. Et ça, ça donne faire honte. Qui dit amen? Nous venons pour des profits personnels. Mais nous ne sommes pas prêts à être utilisés par lui. Dans son programme à lui, la première grande mission de l'Église, c'est de gagner les âmes à Christ. Je vous demande, est-ce que vous vous en préoccupez? La première grande mission confiée à l'Église, la grande commission que Jésus a, selon Marc 16, verset 15, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Non pas allez. Formuler toutes sortes de demandes pour votre social, familial et éthique. Ok, allez, débattez-vous pour assurer vos lendemains. C'est pas ça. La grande commission, c'est aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà l'ordre. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous l'église. Est-ce que c'est ça notre préoccupation de tous les jours? Voilà le problème. Donc nous venons à l'église comme des capitalistes. Un capitaliste, c'est quelqu'un qui cherche ses intérêts. Est-ce que toutes les banques commerciales que vous connaissez et que vous ignorez sont des capitalistes? Et le capitalisme, lorsqu'on les développe à l'excès, il devient l'impérialisme. Donc ce qu'on appelle impérialisme, c'est l'utilisation excessive des notions du capitalisme. On cherche tellement trop à tirer tous les intérêts de son côté, tirer tous les droits de son côté et donner le moindre gain à l'adversaire, au partenaire. Alors, on bascule dans l'impérialisme. Donc, la loi du plus fort. Donc, on s'impose, on veut écoute, que ce que moi je veux, ce soit fait. Mais notre Seigneur qui a donné cette grande mission à l'église. Il nous a appris comment. Et il n'a jamais dit que quand vous priez, dites au Père que ma volonté soit faite. Mais chacun des disciples doit prier en disant ta volonté à toi Père. Ici sur la terre où je suis. On me répète là aussi. Sommes-nous disposés à subir la volonté de Dieu? Entre nous méditons. Entre nous méditons. Sommes-nous vraiment disposés à souffrir pour la volonté de Dieu? À réclamer la volonté de Dieu au détriment de notre volonté personnelle, même si cela tourne à notre désavantage, même si suivre la volonté de Dieu est un inconvénient évident pour nous. Voilà, ça veut dire que l'église ne doit jamais avoir la mentalité capitaliste. Ou la manie de vouloir tirer le droit de son côté. Ou l'intention d'aller imposer à Dieu sa volonté. N'osez pas. Dieu est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est le roi des rois. À lui nous devons soumission. Il va pas lui dire, Seigneur, je te fixe un délai. Jusque telle date, tu dois faire ça et ça. Tu parles à qui, monsieur, madame? Je te donne un délai. Telle date ne doit pas. Ne doit pas se dépasser. Non, monsieur. Si je vous dis, un peu comme avait prêché Frère Brenham un titre de sermon, l'attitude et qui est Dieu. L'attitude que les gens adoptent même dans leur prière reflète ce qu'ils pensent de Dieu. Parce que Dieu représente pour eux. Ils partent pour prier et en pleine prière, ils commencent à roubiller. Ils ronflent. Ils font des songes. Mais dans les moments de prière. Voyez ça. Ça montre ce que ce type-là pense de Dieu. Un type comme celui-là n'est pas du tout crédible. Malheureusement, je dois le dire. Un gaillard comme celui-là n'est pas du tout crédible. Toujours en l'air, toujours prier. Quand c'est le moment de prier Dieu, c'est alors que plusieurs pensées viennent, ils commencent à penser à ceci, à cela et cela. Pour ne pas prier correctement. La difficulté de se concentrer. Toujours distrait. Un type comme celui-là n'est pas du tout crédible. C'est pas bon. Mais regardez la première mission que Dieu nous a donnée. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous nous en préoccupons? 2023 a commencé. 2023 a pris fin. As-tu amené combien d'âmes à Christ? Ne pouvons-nous pas dire à ton sujet que le bilan est zéro? Zéro âme amenée à Christ. N'est-ce pas un bilan? Par rapport à la grande mission. Qui est celle des chrétiens. D'être la lumière du monde. D'être le sel de la terre. Pour donner aux pécheurs, aux erreurs, aux perdus, pour les goûts de chercher votre Dieu. Voilà. Maintenant écoutez, frère, vraiment. Et pourtant, au commencement, avant que je lise, frère Branham, lisons un peu dans Actes chapitre 2. Comment était l'église? Tout le temps, nous avons dit l'église est venue dans l'Ébandine. Verset 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Jusque-là, ça va. Aujourd'hui encore, comme autrefois, la parole est prêchée et il y a des gens, des âmes. Autant que Dieu les a appelés. Et ceux qui acceptent, qui croient l'évangile, sont baptisés. Comme au commencement. N'est-ce pas? Allons au deuxième verset. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Baumeli tango nyonso na matelo na bantoma na lisangana na kobukaka lipa pe na mabondeli. Jusque là aussi, l'église, le tabernacle chrétien fait cela. Kini wana ngomba na bakristo ezali kosalela yango. N'est-ce pas? Ezali bongo? Nous aimons. Tulingi bongo. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Somo ezalaki na bato nyonso pe bikamwiseli mingi pe bilembo bisalamaki na maboko na bantoma. Le problème commence ici. Awa mikakato ebandi. La crainte s'emparait de chacun. Kubanga, est-ce que tous ceux qui viennent à l'église ont-ils la crainte de Dieu? Ba onyonso bazali koya na eklesia babanga nzambe. N'avons-nous pas des traîtres parmi nous? Tozali te na bato ya bilongo mibale kati na biso. Des gens qui déshonorent notre foi là-dehors. Et puis, contrairement à ce que l'église ici croit et prêche, ils mènent une mauvaise vie là-dehors. Parce qu'il manque la crainte de Dieu. C'est là où j'ai dit, les problèmes commencent ici. Avançons. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils les avaient tout en commun. Oh, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Est-ce que tous ceux qui croient à Kinshasa sont-ils dans le même lieu? Mais vous avez plutôt une multiplicité d'assemblées qui sont justifiées. Et qu'on veut se l'admettre. Mais ça aussi c'est l'église, même là où on est. Au commencement, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils se réunissaient en un même endroit. Ayant la même foi, formant un seul corps. Qu'en est-il aujourd'hui? Autre chose. Le miroir est ici. Et c'est la parole de vérité. Vous pouvez voir à quel point nous sommes loin de l'église du début. Ce qui explique pourquoi certaines choses nous font défaut, nous manquent. Pourquoi nous avons parfois des échecs? Car nous ne sommes pas conformes au modèle original. Nous nous sommes éloignés de la voie que Dieu avait tracée au début. Nous nous sommes adaptés aux conditions du temps de la fin. Et puis encore, nous essayons de justifier ça. Au lieu de nous gêner, de nous reprocher, nous sommes là à venir des choses comme ça. À justifier ça. Alors que c'est pas conforme au modèle original. Voilà. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. Qui a fait ça? Personne. Retournons en 2023. Qui a vendu ses biens et est venu prendre les produits partagés à l'église? Personne. Vous savez que je dis ça. Le 1er janvier, qui a fait ça? Personne. Vous voyez, notre état, nous, au temps de la fin. Ne me maudissez pas. Hein? Oh, prédicateur, tu vas en arriver où? Oui, à cet endroit-là. Forcément, ça va te rattraper. Quelqu'un va te dire. Alors, ne cherche pas à me mépriser comme les autres. Hein? Comme on a méprisé Paul. Vous avez dit, on va y revenir. Jusqu'à les taxer d'une peste. Un serviteur mandaté. Regardez le degré de la haine. Quel mépris. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. C'est l'aile de Penza, il y a malade. Un serviteur de Dieu. Il est une pêche. Azali, c'est là, il y a malade, ma beau. Comme ce chemin est plein de réalité. Le problème, c'est là, ma cambo, Azali. Pour rentrer au ciel, on n'a pas besoin de pot de fleurs. Et pas mais c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. C'est celui qui a mis des amènes. Beaucoup de tribulations. Il doit passer par là. C'est par beaucoup de tribulations que nous pouvons entrer dans les royaumes. Vous n'entrerez pas au ciel sur un lit d'aisance. Il y aura des épines. Il y aura des roches sur votre chemin. Il y aura des clignotés crues qui vous seront dit. Vous devez avaler des herbes amères. Le voyage avec Dieu, c'est comme ça. Je n'ai pas entendu ton amen là. Ah ouais, amen. Tu veux seulement qu'on dise. Tu veux pas y aller pamboli. Tu veux non, c'est malam. Amen. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut dans le royaume. Passage obligé. Personne ne doit s'échapper. Nous devons passer par là. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. J'ai dit 2023 qui vient de finir, 12 mois durant, 365 jours, 52 semaines. Qui a fait ça? Personne parmi nous. Ne dites pas, oh, tu es une peste comme Paul. Sinon, tu seras devenu un accusateur comme Tertille. La vérité doit être dite. On ne doit pas chercher maintenant à diluer un peu ça. Arrondir les angles pour voir adapter. Il n'y a pas d'adaptation. Moi, vous faites la volonté de Dieu. Moi, vous êtes irréprochable. Ne cherchez jamais à être flatté. La vérité doit vous être dite parce qu'un chrétien, on ne le flatte pas. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour. Nous, c'est quelques-uns. Vous trouvez les mêmes visages qui sont ponctuels, qui sont réguliers. Il rompait le pain dans la maison et prenait leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voyez là, comment c'est toujours partiel pour nous. Nous ne sommes pas parfaitement conformes au modèle. Je le dis pour que chacun prenne conscience et que nous puissions forcer de revenir à ça. Restaure-nous à cette condition. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Comment ça? Vous avez traduit ça là-bas. C'est pas Kobati Samaka. Voilà. Ceux qui étaient sauvés, chaque jour Dieu ajoutait à l'église et majesté. Donc, Dieu remplissait du Saint-Esprit chaque jour. Mais c'est notre temps. Branham dit dans les noms blasphématoires, c'est le sceau de Dieu. C'est si rare aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit dans sa plénitude. Contenant tout ce que l'Écriture enseigne au sein du baptême du Saint-Esprit pour les croyants. Et venant sceller les sept vertus de la stature d'un homme parfait. Amen. Dans chaque croyant. C'est devenu une chose si rare. Et pourtant au commencement, Dieu a donné aux croyants chaque jour. Ceux qui étaient sauvés, Dieu les ajoutait à l'église corps de Christ. qui expérimentaient le salut par la foi. Les ajouter à l'église. Or, il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans cette église. Par un seul esprit, nous avons été baptisés. Un seul corps. Soit juif, soit grec. Soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés de cet esprit. Cette expérience, au commencement de l'église, nous l'a donné chaque jour. Jamais, mais au temps de la fin, c'est plein de fabrication locale. Le Saint-Esprit n'est pas venu d'en haut pour remplir les gens. Plusieurs faux témoins du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont il témoigne. Avoir reçu. C'est une fabrication locale. C'est lui-même qui a fabriqué. Et vous savez que ça, c'est très dangereux. Vous pouvez jouer dans tous les domaines, mais pas avec votre âme. Vous allez vous fabriquer une expérience appelée baptême du Saint-Esprit vous-même. Dans la logique de l'ingéniosité congolaise. Hein, dont avait, qu'avait vanté le défunt président. Oyo mon président Boko a sila ko kufa Laurent Désiré Kabila nenga komisa kiango. La fameuse ingéniosité du peuple congolais. Et que lolenge ya lolenga komisale la makambu penza komuboto la makambu ya luboto ya bana Congo. Vous avez vu cette ingéniosité, ce qu'elle a fait pour les cartes d'électeurs qui dont les écrits s'étaient effacés. Bon mona ki lolenge ya koyeba komisale la oyo ya bana mboko oyo. Comment faire en sorte que les écrits soient à nouveau visibles? Vous prenez le fer à repasser. Vous mettez la carte là. Vous repassez, repassez, les écrits retournent. Cette carte, quand on l'a imprimée, ce n'était pas une fabrication locale. Les machines étaient importées, je ne sais pas, de Chine ou de Corée. Bon, ça tombe ici pour la première fois. On voit une telle situation. Et celui qui a découvert ça, c'est quelqu'un du village. Le village intérieur, et puis il fait la vidéo, il partage. Mais tous les écrits réapparaissent. Ma communion sur mon islam qui a si karate comme une langue de Moussousou. Ça c'est l'ingéniosité congolaise. Ils savent se débrouiller comme pas possible. Maintenant, c'est dans le même esprit qu'ils se débrouillent aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Mais baptême des jeunes, oh, c'est facile. Moi, je l'ai déjà reçu l'autre jour. Je vais te montrer plus. D'ailleurs, toi, la fière, j'ai mis un esprit. Vous pouvez jouer partout, mais pas avec les femmes. Ça, quand même, c'est Dieu qui a ajouté lui-même à l'église. Jean-Baptiste a dit qu'après moi vient quelqu'un qui a été avant moi, qui m'a précédé. Je ne suis pas digne de te dire. Mais c'est lui qui a été baptisé. Le Saint-Esprit est en feu. parlant de Jésus-Christ seul. Mais toi qui viens me dire que d'ailleurs tu as le Saint-Esprit, toi tu es qui? Un artisan local. Il vient faire de mon âme fabrication locale du baptême du Saint-Esprit. Si tu coopères avec des individus pareils, je te préviens que mon colocote l'ifelo na yo simanaye a go wanga na yo. Il va dire qu'il ne t'a jamais connu. Tu vas commencer à chercher des témoins. Mais ce sera plus tard. Ne fuyez pas vos âmes aux aventuriers. L'ingéniosité congolaise, c'est pour épater les Congolais. Là au ciel, ça ne passe pas. Car Dieu, on ne les corrompt pas. Et la parole de Dieu, on ne la négocie pas. L'ingéniosité, on ne négocie pas ça. Elle est ce qu'elle est, elle restera ce qu'elle a dit. Quand tu ne remplis pas les conditions, c'est que Dieu nous aide.